Mon check ti amo. Quand je suis pas là ça manque. Quand je fais mon pète dans la vago. Mon check ti amo. Trop de rageux, trop de dragons. Y'a des vrais, y'a des dragons. Mon check ti amo. Tous les jours les mêmes habits. Tous les jours les mêmes manies. Mon check ti amo. Que tu me tombes si tu te fies à moi. Mon check qui a moi. Sur les murs, j'accélère quand bon me semble. Les flics m'emmerdent, j'en viens descendre. Mon survêt est neuf et plein de cendres. Et là tu te gourres, tu crois que ça dort. Mon cœur est lourd et je fais pas genre. Je suis pas le chef et pas le major. Mon cerveau a besoin d'une mise à jour. Mon check qui a moi. Et quoi dire à pas réagir. Poto, dis-toi qu'il y a pire. Retiens tes larmes, mon pète s'allume. Un skip quand je suis là, le check s'anime. Marseille, ma ville, 13 005, mon arrondissement. Tu fais le fou pour rien, plein pour apprécier tout le monde, dis-moi. Dis-moi qui dit que je suis plus la la la la la la. Moi j'viens d'ici, y'a de l'ambiance, de l'illicite. Et j'te félicite, même si tu critiques, pas trop politique. J'fais gaffe aux jolies filles, maléfiques. Mon check, ti amo. Quand j'suis pas là, ça manque. Quand j'fuis mon pète dans la vago. Mon check ti amo. Trop de rageux, trop de dragons. Y'a des vrais, y'a des dragons. Mon check ti amo. Tous les jours les mêmes habits. Tous les jours les mêmes manies. Mon check ti amo. T'inquiète, tu me tombes si tu te fies à moi. Mon check ti amo. Ça fait des escaliers, ça t'attend de parloir. Toujours souriant en parlu. Y'a mon petit refrain qui m'attend dans le box. Et il a tout ce qu'il faut sur lui. Je remonte à ses lunettes, mon petit coup qui m'attend. Deux fois j'ai banni sur la porte, ça vole les matons. Je leur nique leur mère avec ou sans leur matraque. Même si je tombe sur de la trappe. J'ai dû prendre longtemps, la prochaine fois qu'il m'attrape, ça sera pas pour rien. Si je repense à l'attaque, ça me s'inverse sur l'autoroute, je nique la bac. Non, pas pack. Pas besoin de gonfler les pecs. Même si tu cours vite, la famille, sache que la balle te rattrape. 13-5 de la tout part. Respecté de tout part, indexé le coup par. Faut que tu cèdes avant que tu partes. Je suis la street en chéri en os. En chien et en loque. On dort toute la journée pour pouvoir tourner toute la noche. On se taille, on te laisse la note. Lève ton verre à la nôtre. Les salopes elles marronnent. Les salopes elles marronnent. Mon check ti amo. Quand j'suis pas là ça manque. Quand j'fuis mon pète dans la vago. Mon check ti amo. Trop de rageux, trop de dragons. Y'a des vrais, y'a des dragons. Mon check ti amo. Tous les jours les mêmes habits. Tous les jours les mêmes manies. Mon check ti amo. T'inquiète, tu tombes si tu te fies à moi. Mon check ti amo.